de la soul, du funk, de l'électro, de la disco et même du jazz. Chaque semaine, nous allons faire revivre l'esprit unique de ce club. Chaque semaine sur Radio Dio, nous allons rouvrir les portes de la nuit des temps qui, à la fin des années 70, avait créé sa radio, une radio pirate pour diffuser ses playlists. On rallume les amplis, ça grince un peu. On dresse l'antenne comme les studios de la RKO. Bienvenue dans la nuit des temps. Les labels qui produisaient des bibliothèques de musique ont atteint leur véritable apogée dans les années 60 et 70. C'était pile la période pendant laquelle ces labels ont sollicité de vrais compositeurs pour produire de la musique prête à l'emploi, pour être ensuite vendue à des radios, à des boîtes de pub ou de films qui réalisaient des séries B ou des séries Z, voire même du porno. Ces boîtes n'avaient pas les moyens de se payer une vraie bande originale, très très originale. Alors ces labels ont produit des musiques à la chaîne. Beaucoup publiaient leurs titres sur des vinyles tirés à quelques centaines d'exemplaires. Parmi ces labels, il y avait Bruton Music. Bruton Music a été fondé en 1977 par Robin Phillips. Et juste avant nous, justement, toutes ces voix qu'on a écoutées, eh bien c'était In Close Harmony de chez Bruton Music. Et c'est justement Bruton Music, notre power play de la semaine, dans la nuit des temps. Radio Duo, on est parti pour une heure de musique. La nuit des temps, l'international de la danse. From disco to disco, from disco. sing it, girl. I like it. Here you go. From disco to disco, town across town, everybody is trying to get down to the From disco to disco, town across town, everybody is trying to get down. Somebody else sing it. It's easy. Yeah. From disco to disco. It's on. La nuit des temps, Radio Duo. Direction la Norvège. C'est l'un des plus célèbres remixeurs au pays du cabillaud. On l'appelle le King of Summer Jams. Nous sommes en 2014 et le disco continue de renaître tel un phénix. Voici Todd Terje et son précieux disco qui traverse le pylône de Radio Duo et envoie ses ondes sur Saint-Étienne. Et vous, vous êtes où? Vous êtes dans quoi? Vous êtes dans les percussions de la nuit des temps. Et c'est Strandbar. We'll be right back. encore un son produit par la bibliothèque Britton en powerplay cette semaine, avec ce Birdland qui sonnait plus Beach Boys que Beach Boys. Retour à 2023, et nous filons vers le Maryland. Voici le génial Logic, roi de la mixtape. Et cette fois, il bosse avec RZD pour une traversée de l'univers. But my wits still had Chanel purses. I had a solid gold diamond and crusted book. The sole purpose was to hold important verses. Claustrophobic, they tried to bound me in COVID. But my strand of DNA, it could not be decoded. I told y'all this, put those laser guns away before I blackout bomb. Take your whole son away. My star cruiser with a flux motor, rocking with the club soda, ice in a cup holder. Bobby be that type of soldier that y'all putting fuck over. Turn to a supernova. The rap galactus, five MCs, my daily quota. My subtle's a dream house, spa with a steam boom, pool with a logo in it. Backyard is a screening room. Looking out my window, every view is a scenic view. They say life's a dream. I say that you could dream it too. Yo. They say life is but a dream, but I say that you could dream it too. Yo, Logic, wake up! What? Yo, it's like 4 o'clock. We gotta go pick up Castro. You're performing tonight. Oh, shit. All right. But can we get some food first? I'm fucking hungry as shit. Hell yeah, I'm starving. Yo, throw me the keys. Yo, Lenny, I just had the craziest dream, bro. About what? Yo, I was on a song with the fucking RZA, man. It was crazy and weird. I can't really remember it. Oh, shit. Yo, I'll meet you in the car. I got to piss first. Oh, all right, cool. Hey, you know what would be really crazy? If you got the whole clan on a song one day. Yeah, right, Lenny. Gotta get out the basement. On continue notre aventure sonique avec le label Britton et ses musiques toutes faites. Nous sommes cette fois en 1979. Et c'est l'anglais Trevor Bastow qui se colle à produire de la musique à la chaîne. Voici le sublime Shades. C'est un peu du Daft Punk, avant les Daft Punk. Un peu One More Time. Mais là, c'est bien avant. Et c'est signé Trevor Bastow. Thank you. 2012, Go Kurosawa et Tomo Katsurada louent un vieux studio à Tokyo. Et ils réalisent qu'ils ont un penchant assez net pour le rock psychédélique, la power pop, le black metal ou le hip-hop. C'est ce doux mélange qui va donner les lettres de noblesse à Kigakagu Moyo. Nous sommes à Tokyo, en 2018. Turn Music en power play. son de Bruton en powerplay cette semaine, au célèbre double 6, il n'y a qu'un mix. Nous sommes à Paris en 1962. Son fut travail ou pas d'affolement, viens dans la foule et tout ira va. Tout à l'heure, mon ami, sur la panne, et bien tu t'en iras là. Mais tout de même, moi je ne voudrais pas vendre pour un bon mandibulaire ou dame dans le tap. Permettez-moi vous parler de mon aventure avec la Vendario. Vous travaillez pas tant maintenant, viens dans la foule et tout ira va. Tu ne peux pas pourtant, crois-moi bien, pas l'abri pour très longtemps, car dis-toi, ton compte à bon moment, c'est l'Olario vient. Bah vous voyez, je vous l'avais dit, ne pas tant vous mouillez pour moi. Tout a débuté dans un petit bar au fond du port par une belle après-midi, oui. Pour avoir longtemps trop bavardé, pauvre malin, pourtant vraiment, on ne m'avait rien demandé, tenez bon, car il y avait parole d'homme, une coupée, pas mal du tout, la nouvelle de moi, qui nous gardait, il y a tout le temps, elle avait le temps pour deux mois, elle m'a demandé, mais dans mon petit oui, parlons d'aller nous balader, moi je voudrais, mais bah tu n'en doutes pas, pas tout trouveras, les gardiens dans la. Ouais, tu les verras, te tirer une balle en eau, pour le moment, c'est embêtant, car les voilà qui viennent d'entrer, faire nos filles par devant. Tu y as droit, car ils t'ont pris, pardon, moi nous parlons, et voilà comment les gars, pour l'amour d'une pépée, je dois tirer ton beau battant. Pardon, pardon. La nuit des temps, Radio Dio. Oh, Shuta Asunuma a collaboré dans différents genres comme le cinéma, le théâtre, la danse et la production musicale. Plus récemment, il s'est même lancé dans des créations pour de la vidéo, des sculptures et des installations dans le cadre d'expositions. Bref, c'est tout l'inverse du catalogue des sons Bruton que nous écoutons cette semaine. Voici Vanish, Memoria. Nous sommes à Tokyo. Nous sommes en 2023. La nuit des temps, l'international de la danse. Bruton Music, Adrian Baker, Roy Morgan, 1979. commencé comme actrice dans, tenez-vous bien, Alerte à Malibu. Mais maintenant, elle joue à peu près de tous les instruments et produit une néo-folk assez fantastique. Voici Jenny Lewis, Psychos. Et nous sommes en 2023. Sur ses talons et on va se redresser très droit. Et on va se faire des cuisses en béton. Allez, courage! Allez, énergique! Chauffe par l'aide! les talons. Allez, on change. Les bras en l'air. Assis et monte. Assis et monte. Sur le côté, étirez-vous. Allongez bras, Sylvain, vas-y. Encore. Monte, assis, monte, assis, monte, assis. On change. Et hein, on ramène la jambe. On est sur un genou. Bravo. Ben ça, ça fait un drôle de ventre. Allez, respirez. You are my Nous sommes pile en l'an 2000, lorsque la French Touch devient une évidence pour le commerce, pour les radios et pour les labels qui produisent du son au kilomètre. Damon est dans la vague. Il est jeune et il s'inspire d'un titre de 1979 des Gap Band, You Are My High. Et nous sommes à Paris. Et c'est l'an 2000. Et on danse furieusement dans tous les clubs. C'est le dernier titre ce soir pour la nuit des temps. Eh bien, il est temps de refermer les portes de notre bon vieux club et par la même occasion, la librairie musicale des sons produits par Bruton Music dans les années 70. Et on avait l'humeur moderne ce soir, à une époque où il était de bon ton d'être absolument moderne. Et sur notre tapis rouge, Jérémy, le videur, il y a toujours un Jérémy qui est videur, et bien il a laissé entrer tout le monde ce soir, avec entre autres Adrian Baker et Roy Morgan, deux producteurs géniaux du label Britton. Whirlpool Production pour aller du disco au disco. Todd Terge, que l'on ne présente plus, Logic et RZA. Trevor Basto, toujours de l'écurie Britton. Kigagaku Moyo, confortablement installé dans son studio à Tokyo. Et le génial jazz vocal des Double Six avec Michel Legrand et sa sœur. On a également écouté le trop rare Duruti Kulum, Shuta Asunuma et Jenny Lewis avec son psycho très folklore. On eut droit également à Alain Goraguer. Là, c'est assez marrant parce qu'Alain Goraguer, eh bien, non seulement il a produit Boris Vian ou Serge Gainsbourg, mais c'est lui aussi qui a fabriqué le son de Gym Tonic, la première émission TV de fitness en France dans les années 80 avec Véronique et Davina. Et puis pour finir, un petit coup de démon de la French Touch des années 2000, soit Jérémy Mandon. Ouais, il y a toujours un Jérémy à la porte du club. Dans quelques instants, vous allez retrouver, parce que c'est la grande rentrée, et sous les applaudissements, vous les entendez pas, mais il y en a des tonnes et des milliers, eh bien c'est qui ou quoi ? En attendant, eh bien, la nuit des temps reste ouverte 24h sur 24 sur le net si vous promenez sur le site de Radio Dio. Et puis, vous trouverez également des nombreux podcasts à écouter, que je vous invite à écouter sur le site de Radio Dio. Sinon, eh bien, vous pouvez nous retrouver sur Instagram à la nuit des temps 2. On laisse passer la tempête. Un petit bonus musical avec les Gap Band, You Are My High, l'original cette fois. Comme l'antenne de Radio Dio, tout en haut du pylône de la RKO, dressée sur la colline, mais sous les étoiles de Saint-Étienne. Les programmes continuent le temps que le nombreux public s'installe. Passez une bonne soirée, restez sur Radio Dio, à la semaine prochaine, salut !